Bienvenue chers amis, bienvenue dans Exocet, l'émission où l'on vous raconte des histoires étranges, où l'on vous parle de faits incroyables et où l'on vous raconte aussi quelles sont les dernières infos insolites qui se sont passées à la surface de cette planète. À mes côtés, Thomas. Bonsoir. Et Mika aux machines. Bonsoir. Alors, comme je vous le disais, hein, Exocet, une excellente manière de passer une heure et demie de votre existence, hein, et on démarre tout de suite d'ailleurs avec une histoire de Thomas. Oui, et une histoire, et pas n'importe quelle histoire, l'histoire de Jack le Bondissant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jack le Bondissant. Moi, je connais Jumpin' Jack Flash des Rolling Stones, alors je sais pas s'il y a rien un rapport. À voir. Si ça se trouve, il y a un rapport. Rien à voir. Moi, je connais Jack in the Box. Rien à voir. Voilà, on a fait le tour des Jack. Voilà, et ben c'est... donc vous ne connaissez pas l'histoire de Jack le Bondissant, et pourtant, c'est une histoire, ma foi, assez curieuse. Ça se déroule pendant l'époque victorienne. Du côté de Londres, donc exactement à la même période que l'histoire de Jack l'Éventreur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on connaît moins cette histoire-là, puisqu'effectivement, bah, ce personnage était légèrement évincé par le charisme, on va dire, de Jack l'Éventreur, hein, qui a pris un petit peu le devant de la scène. Ça reste une histoire de Jack. Mais ça reste une histoire de Jack. Comme quoi, les Jack à l'époque. Oui, à l'époque victorienne en plus. Voilà, méfiance des Jack de l'époque victorienne. Alors en fait. Qu'est-ce que Jack le Bondissant ? Alors, on pense que c'est quand même une légende qui aurait été créée par l'imagination populaire. Alors, pour de multiples raisons, les deux principales étant pour expliquer certains méfaits qui seraient commis dans la cité et auxquels on n'aurait pas eu d'explication. Et puis aussi pour faire peur aux enfants, un petit peu comme le croque-mitaine. On leur disait, attention, si tu as pas de coucher, si tu manges pas, Jack le Bondissant va venir bondir. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on dit c'est Guy Carlier qui va venir. Exactement. C'est une autre génération. Ça fait peur aussi, tu me diras. Voilà. Aux enfants, ils ont très peur. Cependant, ce qui est quand même intéressant, c'est que la presse de l'époque a couvert les histoires de Jack le Bondissant de façon assez importante. Donc, il y aurait quand même une petite base entre guillemets réelle de ce personnage. Alors, à quel niveau, difficile à définir, mais en tout cas, il y a bien eu un Jack le Bondissant. Alors. On ne sait pas grand-chose de Jack le Bondissant, à part qu'il a fait son apparition pour la première fois en 1837, et il a tout de suite suscité l'intérêt général. Alors, en septembre 1837, lors de sa première apparition, Jack le Bondissant attaque directement trois femmes en pleine nuit. Alors, toutes ces femmes racontent avoir vu en fait un homme assez grand, voire même quasiment géant, portant une sorte de cape sombre à la manière des super-héros actuels, hein, des Marvel actuels. Vous allez voir que c'est pas le point commun avec les Marvel actuels, c'est ce qui est assez étonnant. Est doté surtout d'une grande force et qui porterait des griffes au bout de ses doigts. Ok. Et surtout, qu'il aurait des yeux qui brilleraient dans la nuit en rouge. Donc c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. C'était un chat. On a croisé peu de gens comme ça. Et vous allez voir que c'est pas la seule de ses spécificités. Puisque en plus Jack le Bondissant serait, d'où son surnom, capable d'accomplir des bonds de plusieurs mètres, certains témoins disant l'avoir vu carrément disparaître en faisant un bond de 9 mètres par-dessus des murs, etc. Expliquant d'ailleurs pourquoi, ce qui aurait expliqué pourquoi est-ce que la police ne l'aurait jamais attrapé. Voilà. Puisqu'il était capable de s'enfuir tel un super-héros, justement. Que la police sautait à une hauteur d'à peu près 30-40 cm, pour les plus entraînés. Voilà, tout de suite, ils ne sont pas au même niveau, c'est clair. C'est sûr. Alors, les agressions se poursuivent de façon assez continuelle et assez intensive, tellement qu'en 1838, donc un an après, le maire de Londres décide de réagir et de prendre un petit peu les devants et le déclare ennemi public numéro 1. Donc c'est quand même pas rien. Ah oui, quand même. Et donc on parle pas simplement d'une légende là, on parle d'un fait avéré. On parle de fait avéré ouais. À ce moment-là. Alors une milice est créée pour réussir à capturer ce Jack le Bondissant. Sans résultat, en tout cas pas de résultat concluant, mis à part quelques témoignages de cette milice qu'il aurait croisé au détour de ruelle, etc. À chaque fois, il aurait réussi à prendre la fuite. On est parti, on a eu peur. Et à chaque fois, il aurait réussi à prendre la fuite, justement, grâce à son pouvoir, hein, on peut le dire, de faire des bons carrément... Surhumains. Surhumains, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, le mercredi 18 février... c'est là que l'attaque la plus mythique de Jack le Bondissant a lieu. Quand deux sœurs rentrent chez elles, alors c'est deux sœurs assez jeunes, hein, dans la moyenne 15-16 ans. Et donc elles rentrent chez elles toutes seules, forcément tard le soir, hein, parce que ça se passait pas non plus en plein milieu de l'après-midi. Et soudain, une créature surgit et leur crache en fait du feu en plein visage. Et là, c'est la première attaque. C'est la première attaque réelle de Jack le Bondissant physique, puisqu'avant il se contentait juste de faire peur. Là, il les brûle quand même, alors pas forcément de manière très grave, mais il leur crache quand même une flamme au visage. C'est déjà une première agression. Et puis après ce crachat de feu, il disparaît soudainement, toujours d'un bond, d'après les témoignages de ces deux jeunes filles. Ah, c'est assez comique quand même, comme légende. Moi, effectivement, j'ai trouvé ça très curieux. Ouais. Alors, le 20 février, une jeune fille... Alors, apparemment, il devait aimer les jeunes filles. Hein. Une jeune fille qui était seule chez elle entend toquer à la porte, hein, puisqu'il n'y avait pas de sonnette à l'époque. Et elle décide donc d'aller ouvrir pour voir ce qui se passe. Et là, elle reçoit un homme qui se prétend être policier et qui lui conjure comme ça, qui la supplie d'aller rapidement chercher une bougie pour pouvoir l'éclairer, parce que Jack le Bondissant aurait été coincé dans un coin de ruelle et ils auraient besoin d'être éclairés pour pouvoir l'attraper, etc. Et donc la jeune fille part pour chercher la chandelle, et au moment où elle se retourne, en fait, ce faux policier, puisque c'était un faux policier... C'est pas vrai. Était Jack le Bondissant. Et en fait, ses yeux, à ce moment-là, d'après sa description, se seraient mis à luire. Et encore une fois, il lui aurait craché du feu au visage. D'accord. Alors, ça, c'est son trip, apparemment. Il fait que ça. Il s'en va. Il fait que ça. Alors, et il saute. Là, j'aimerais mettre une petite parenthèse sur l'explication. Ce qui est très étonnant dans ce témoignage, c'est que donc elle déclare avoir reçu cette flamme, ce crachat de feu, après lui avoir donné la chandelle. Ah, ben voilà. Ah, mais oui, ça y est, on a tout compris tout à l'heure. Mais quelle idée de filer une chandelle à Jacques le Bondissant. Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas s'agit tout simplement donc d'un homme un petit peu... D'un cracheur de feu. Voilà, tout simplement un cracheur de feu. Qui avait avalé un peu d'essence et qui a craché sur la bougie. Un peu limite. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, apparemment, ça se faisait pas beaucoup ce genre de choses. Et ça a surpris tout le monde. Mais effectivement, c'est l'explication la plus possible. Enfin, sinon, pourquoi demander une chandelle? Et donc, les attaques se poursuivent et s'arrêtent tout d'un coup, un petit peu à la manière de Jack l'Éventreur, qui a disparu de la circulation comme ça, sans qu'on en sache réellement le pourquoi du comment. Donc, les attaques se sont poursuivies sans qu'on arrive jamais à l'attraper. Alors, des témoignages sont vraiment très étonnants, puisque même certains témoins vont aller dire qu'ils ont vu, donc, sur sa cape broder un W en lettres d'or. Donc, ça fait vraiment très super-héros. Hein. Ah oui, carrément. On a l'impression de voir un espèce de Superman mauvais de l'époque. De super vilain, quoi. C'est de c'est super ça. Vilain, exactement. Ouais. Donc, avec un W à la manière de Wario, ennemi de Mario. Et donc, les attaques se sont arrêtées comme ça, tout d'un coup, sans qu'on ait réellement d'explication. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on a tendance à penser de façon générale que tout ça ne serait qu'un mythe, voire des histoires racontées par des faux témoins qui auraient, pour se faire un petit peu remarquer, etc., amplifié certaines agressions, des choses comme ça. Ouais. Puisqu'effectivement, les seules choses qui ont couvert la presse, ce sont des attaques, et elles ont juste témoigné de ce que leur a rapporté des témoins directs. Donc voilà, la fiabilité est pas forcément au rendez-vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à la même époque, il y avait Jacques l'Éventreur, très vite ce dernier a pris le dessus et a forcément occupé le devant de la scène en évinçant notre Jack le Bondissant, qui pourtant je trouvais était un personnage plutôt intéressant. Peut-être que Jack l'Éventreur, c'est Jack le Bondissant qui en avait assez de sauter et qui s'est reconverti dans l'éventration. Voilà, il s'est dit, tiens, on va arrêter de faire des bonds de 9 mètres, maintenant je vais triper. Mais si on explore cette légende à la lumière d'Exocet, on peut se dire que finalement, il y a peut-être eu à la base de véritables agressions, mais que la rumeur aidant, les gens aient fini par répéter que ce mec faisait des bonds de 9 mètres. Alors que peut-être que si ça se trouve, c'était juste un gars acrobatique qui a fait un saut, un saut athlétique, et que les gens ont amplifié le truc. Mais justement, moi j'irais jusqu'à dire, je me demande si c'est pas tout simplement un homme qui aurait travaillé dans un cirque et qui aurait été déséquilibré mental, cracheur de feu, etc., cracheur un acrobate, capable de faire des bonds assez conséquents puisque acrobate, etc. Et puis il a peut-être disparu de la circulation aussi, tout simplement parce que c'est un cirque qui s'était installé pendant une période X sur Londres. Ah, c'est possible. Il est parti ailleurs. Il a peut-être semé la panique et la terreur dans cette ville. Exactement. Donc la légende a pris le relais. Voilà, et a fait le reste, et ça s'est amplifié tout seul. Oh, Jack le Bondissant a arrêté de tuer, on va pouvoir aller au cirque. Oh, le cirque est parti. Mais, oui, dommage. Mais en plus, manifestement, il tuait pas, donc il se contentait de cracher du feu à la gueule. Voilà. C'est pas très gentil. C'est pas très poli, ça. C'est pas top sympa, mais c'est vrai que c'est pas non plus le plus grand psychopathe qu'on ait jamais rencontré. Voilà. C'est juste un personnage comme ça, assez étonnant. Étonnant, étrange. Étonnant. Ouais. Eh bien, merci Thomas pour cette histoire de Jack le Bondissant. On vous parle d'histoires étranges et de faits surprenants. Donc là, je voudrais vous entretenir d'un phénomène que l'on croit réservé à l'humanité, dont je veux parler de la toxicomanie. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas seulement les humains qui comptent des junkies parmi leurs congénères, mais les animaux aussi. Donc vous allez voir, c'est assez étonnant. Donc par exemple, sachez que dans les Andes, les singes, les paresseux et les lamas mangent des feuilles de coca, se défonce à la coca, puisque donc vous le savez, hein, les feuilles de coca, ce sont donc les éléments naturels qui sont à la base de la cocaïne. Donc voilà, les singes, les paresseux et les lamas se gavent. Les sangliers d'Afrique de l'Ouest creusent pour déterrer des racines, les racines des boca. Les boca, c'est donc une plante hallucinogène qui est utilisée par les chamans. Donc voilà. Le truc qui doit faire le sanglier. Ah non, c'est assez fou. Et les koalas, c'est pareil. Les koalas, bon, tout le monde le sait, les koalas se gavent d'eucalyptus. Mais quoi, c'est mais l'eucalyptus, c'est beaucoup moins anodin que ce qu'on pourrait croire, puisque donc c'est rempli d'acide prussique, et ça, c'est un poison très violent pour l'homme. Et puis en plus. Et les cigarettes à l'eucalyptus Mais c'est pas du vrai eucalyptus, hein. ils doivent prélever simplement les éléments odorants, j'imagine, mais l'eucalyptus naturel est rempli d'acide prussique et d'anesthésiant aussi. Donc le koala, c'est pour ça que le koala a l'air toujours un peu défoncé quand on le voit comme ça. C'est parce qu'il se gave, il bouffe de l'eucalyptus à longueur de journée. Alors en Colombie. Petit porciné. En Colombie, les jaguars mâchent l'écorce du yagué psychédélique, donc c'est un arbre. Et avec les écorces de cet arbre, on fait des décoctions, des tisanes hallucinogènes. L'éléphant est un alcoolique notoire. L'éléphant adore l'alcool. Alors en Afrique, par exemple, il consomme les fruits pourris et il attend que la teneur en alcool de ses fruits atteigne 7% précisément avant de les manger. Donc voilà, c'est carrément de l'alcoolisme. Hein. C'est à boire. Cela dit, pour se bourrer, un éléphant, il doit commencer à. Mais alors justement, mais écoute, à l'appui de cette observation, Thomas, je répondrai par une anecdote. En Inde, par exemple, c'est quand même bien fait. En 1974, donc en Inde, 150 éléphants investirent une distillerie clandestine dans un village du Bengale, et donc ils ont pompé toutes les cuves et ils sont repartis ivres morts, complètement bourrés, et ils ont ravagé le village, ils ont piétiné des mecs et ils sont partis en zigzag quand même. Donc voilà, les éléphants peuvent également se bourrer la gueule. Bon, évidemment, il faut des cuves, hein, et c'est plus qu'une bouteille, oui, mais ça fonctionne aussi. Alors. Dans les années 70, pendant la guerre au Cambodge, les buffles et les antilopes se lâchaient totalement dans les champs de pavots abandonnés, bouffaient du pavot. Et il y a une étude, par contre, qui est très célèbre. C'est une étude qui a été réalisée par la Marshall Space Flight Center de la NASA, donc une étude menée par la NASA, qui ont testé donc les effets de plusieurs substances chimiques sur les araignées. Et donc ensuite, ils ont étudié les modifications de leur toile dues à la drogue. Alors, quand on voit les images, c'est très très impressionnant. Donc, ils leur ont filé absolument toutes les substances psychotropes qu'on peut imaginer. Il y a eu des hallucinogènes, du LSD, du cannabis, de la cocaïne. Et fait surprenant, les altérations les plus violentes, les altérations de la structure de la toile les plus violentes qui ont été observées, c'était à la suite d'ingestion de caféine. Et ben voilà, comme quoi. C'est-à-dire que on le dit. Sous LSD, les toiles sont assez régulières. En fait, les toiles ressemblent assez aux toiles naturelles, mais sous caféine, c'est un chaos. On dirait en fait que c'est des toiles psychédéliques. Bah ouais. Ah oui. Avant la drogue, c'est des toiles normales, et après c'est du Picasso. Absolument, c'est oui. Pour comprendre. C'est de l'art arachnéen un petit peu. Enfin, on dirait qu'on a balancé un coup de pied dans la toile. Clairement, sous caféine, c'est très très étonnant. Mais les créatures qui ont des comportements toxicomanes les plus hallucinants, ce sont les fourmis, chers amis, puisque les fourmis ont des junkies parmi elles, d'authentiques junkies. Et donc ce sont des fourmis qui ont goûté au miella d'un coléoptère qui s'appelle la Lochémuse. Donc c'est en hommage à Lochémusa, qui est une empoisonneuse romaine de la cour de Néron. Alors donc ces dealers, puisque c'est carrément des dealers pour fourmis, s'introduisent dans la cité sans que personne ne les arrête, hein, donc elles s'introduisent librement dans la cité des fourmis. Et dès qu'une fourmi a humé le parfum donc, de cette substance sécrétée par la Lochémuse, elle accourt pour absorber le poison. Et la queue des Lochémuses ressemble exactement à des gueules de fourmis, donc lorsqu'elles têtent, elles ont l'impression finalement de discuter avec une congénère. Et dès que la fourmi a goûté au nectar de la Lochémuse, elle ne pense qu'à une seule chose, continuer. Donc là, à partir de là, elle devient accro, totalement dépendante, et pour avoir de la drogue, elle est prête à tout. Elle est prête à laisser la Lochémuse manger les habitants les plus précieux de la fourmilière, donc c'est ça, la Lochémuse. Ah oui, c'est pour se nourrir. Qu'elle a un intérêt, ah oui, c'est pour se nourrir. Et donc, la fourmi est même prête à se laisser dévorer. Alors, on a assisté par exemple à des scènes où la tête de la fourmi continuait de sucer le nectar pendant que donc celle-ci lui dévorait pendant que la Lochémuse lui dévorait l'abdomen. Donc, jusque dans la mort, c'est hallucinant. Et donc, parfois, la Lochémuse étant gavée de reines et d'ouvrières, elle s'en va et elle laisse ses servantes en plan. Et là, le phénomène étonnant, c'est que celles-ci partent alors toutes seules dans la nature à la recherche du dealer. Et si elles ne le trouvent pas, elles restent suspendues aux extrémités des herbes. Et donc, elles souffrent dans des crises de manque de fourmis qui doivent être assez violentes. Mais donc, nous, on ne peut pas juger. Et ça, jusqu'à la mort. Voilà. Donc, c'est peut-être le comportement toxicomane le plus intense du règne animal jusqu'à la mort. Imaginez donc un toxicomane qui soit prêt à continuer, par exemple, à fumer son crack alors même que le dealer est en train de lui bouffer l'abdomen. Bon, ça ne doit pas arriver tous les jours non plus, mais ça donne une idée du clair. Truc. Ah, c'est un bon dealer quand même, tu vois. Il est fort. Ah oui, c'est déjà un beau dealer. Hein. C'est un dealer de pacotille. Hein. Proche de Jack le bondissant, finalement. On se rapproche un petit peu. Voilà. Il lui crache du feu pendant qu'il est en train de prendre sa drogue. Voilà. Alors, Thomas, on a un petit peu teasé avant de balancer le morceau une histoire très étonnante qui se passe près de chez nous. Près de chez nous, oui, c'est carrément même la porte à côté, puisque ça se passe du côté d'Aix, dans le village de Venel. Et ça s'appelle donc les Arcanes de Venel. Alors, avant de vous raconter l'histoire, on va situer un petit peu le contexte, parce que donc c'est au cours des diverses pélinigrations que j'ai faites sur Internet que je suis tombé sur cette histoire. Alors, le problème, un petit peu là-dedans, c'est le manque de sources. On a un petit peu du mal à recouper avec d'autres histoires, donc voir ce qui est le vrai du faux, voire même si c'est pas une histoire complètement inventée par une personne, parce que même pour tout vous dire, il n'y a qu'un seul site internet qui en parle. Donc est-ce que c'est pas lui qui a créé tout ce buzz, on va dire, pour attirer les gens sur son site? Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas l'histoire est fort sympathique et donc je vais vous l'exposer là ce soir, que vous ayez les détails, et je pense que dans un prochain Exocet on essaiera nous un petit peu d'enquêter de notre côté, vu que c'est juste à côté. On va essayer de se rendre sur place, essayer de recouper les différents éléments qui sont donnés pour essayer de nous forger une propre opinion et voir ce que ça donne, voir s'il y a des éléments qui sont réellement cohérents. En tout cas, je vais vous raconter l'histoire, donc ne la prenez pas au premier degré, de toute façon vous avez l'habitude dans Exocet. Ne la prenez pas au premier degré, écoutez-la parce que c'est quand même une très très bonne histoire. Alors, ça s'appelle les Arcanes de Venel. Alors, si vous connaissez Venel, ouvrez bien vos oreilles, c'est très intriguant. Alors, tout commence avec un postier qui, un beau matin, en faisant sa tournée, découvre 3 cadavres mutilés d'hommes avec des signes kabbalistiques gravés sur le front. Alors tout de suite, pris un petit peu de panique, il retourne au village pour alerter le maire, le curé et certains autres habitants pour les faire venir sur place. Alors aussitôt, forcément, tous les villageois décident d'aller rendre visite, Aussitôt, tous les villageois décident d'aller rendre visite au marginal du village, pensant que forcément c'était le responsable. Hein, les raccourcis étaient vite faits, il vivait à l'écart, un homme un peu fou. Enfin, vous voyez un petit peu les marginaux qu'il peut y avoir dans les villages. Et donc quand ils arrivent sur place, ils le trouvent avec un couteau ensanglanté à la main, donc c'est vrai que c'est un élément un petit peu perturbant, et avec des pentacles dessinés tout autour de lui sur les murs de la pièce, et il répète sans cesse, comme ça, en se cognant à moitié la tête contre les murs, « Je n'ai rien pu faire, elle s'est échappée, le bannissement n'a pas fonctionné ». Et il répète ça comme ça en boucle, on lui pose des questions, il est juste capable de répéter cette phrase, « Je n'ai rien pu faire, elle s'est échappée ». Comme une litanie. Exactement, telle une litanie. Alors forcément, vu les rites de l'époque, hein, puisque là ça se passe en 1700 et des brouettes, vu les rites de l'époque, l'homme est immédiatement lapidé et pendu, hein, parce que bon, ils n'allaient pas traîner en procédure. En 1700, judiciaire. T'es sûr? Ouais. Bon. Oui, carrément. À ce moment-là, les autorités d'Aix-en-Provence qui avaient juridiction sur ce village-là ne sont même pas averties de cette condamnation express, on va dire. On décide évidemment de fouiller également sa maison, puisque des pentacles sont dessinés sur tous les murs. Et le curé du village trouve un vieux grimoire sur lequel est marqué « Le dragon noir ». Alors, il comprend pas trop ce qu'il y a dedans. La seule chose qu'il arrive à repérer dans ce grimoire, c'est que ce grimoire indiquerait l'endroit où chercher les restes d'une vieille créature qui aurait été enterrée ici depuis, alors la date n'est pas précisée, mais depuis des lustres et des lustres, dans le secteur de ce petit village. Donc ce grimoire était tout simplement une sorte de carte pour pouvoir déterrer un animal plus ou moins mystérieux. Mm-hmm. Alors là, les affaires se tassent plus ou moins. Le curé, lui, de son côté, brûle le livre en le jugeant hérétique, etc. Donc il n'y a plus de traces de ce livre, apparemment. Et puis l'affaire se tasse pendant un bon moment, jusqu'au 20 juillet 1819, donc quasiment un siècle après. Donc c'est dire quand même les laps de temps qui peuvent s'écouler. Quand un chasseur découvre à nouveau des corps horriblement mutilés de deux jeunes enfants en bas âge. Toujours des signes cabalistiques gravés sur le front. On s'aperçoit que le père de ces deux enfants a également disparu. Alors une battue est organisée pour retrouver forcément le père qui aurait disparu. On le retrouve, mais tous les gens qui ont participé à cette battue auraient entendu des choses suspectes et vu des choses suspectes, comme par exemple des ombres. Ils auraient entendu également des grognements, ils auraient vu des empreintes d'animaux d'origine inconnue, hein, qu'ils n'auraient pas pu identifier. Donc voilà, plusieurs petits éléments comme ça, bizarres. Et puis là, à nouveau, le calme revient petit à petit dans le village. Mais l'histoire, bien qu'elle ait stressé tout le monde à ce moment-là, elle finit forcément, au bout d'un certain temps, par passer comme ça, comme une légende, et puis par être oublié. C'est important. 90 ans après, en 1909, un tremblement de terre, sur plusieurs maisons également, et paniquée, forcément, suite au tremblement de terre, une jeune femme décide d'aller voir. Elle arrive sur place. Elle s'aperçoit que sa famille, donc son mari et les enfants, ont été entièrement décimés, donc complètement tailladés en pièces, hein, et toujours donc sur les têtes découpées, ces signes cabalistiques. Alors là, en plus, non seulement gravés sur leur front, mais gravés sur les murs de la maison, etc., avec le propre sang des victimes qui ont été découpées sur place. Alors, pareil, tout se retasse pendant une longue période. Là, la police intervient, se débarrasse des corps, mène une enquête apparemment plus ou moins bâclée, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver ni le coupable, ni les raisons de tel massacre. Donc, ils laissent un petit peu couler les choses. Et puis, soudain, 50 ans après, un homme fou arrive dans le village et dit avoir discuté avec une bête à l'orée du bois, qui lui aurait fait complètement perdre la raison. Et donc il précise que cette bête lui aurait expliqué que le village, depuis qu'elle avait été déterrée, était un village damné, on peut le dire comme ça, et donc qu'un sort s'était répandu dessus et que le sort ne s'arrêterait pas tant que tous les habitants du village ne seraient pas décimés. Donc voilà, ça c'est pour l'installation de cette bête. Alors, suite à ça, de nombreux événements ont découlé, puisque des écoliers ont disparu dans une grotte suite à une excursion, une sorte de classe verte. Donc la maîtresse les aurait vus tout d'un coup disparaître. Enfin, tout d'un coup, ils se baladent et elles se retournent, un petit peu comme dans Les Inconnus, et pouf, ils sont plus là. Et suite à cette disparition, une petite fille revient au village, avec complètement en haillons, à moitié ensanglantée, etc., et dit avoir réussi à s'échapper d'une grotte au fond de laquelle il y avait une bête immense. Elle aurait été attirée avec ses autres camarades qui, eux, malheureusement, n'ont pas pu s'échapper. Et elle dresse un dessin du monstre qu'elle aurait eu au fond de la grotte. Alors forcément, là, les gens du village décident à nouveau d'aller voir ce qui se passe. Ils partent tous ensemble. Ils font à peu près toutes les grottes qu'ils connaissent du secteur, sans forcément que ça donne rien du tout. On trouve ni cadavres, ni quoi que ce soit. Et puis, un beau jour, un beau matin, les cadavres finissent par ressortir à la lisière de la forêt. Et les cadavres de tous ces enfants sont retrouvés avec les signes cabalistiques sur le front. Alors là, à nouveau, l'histoire se tasse pendant une période de 50 à 60 ans. Et donc, plus rien ne se passe. Et un jour, un promeneur qui était dans le coin arrive à prendre la photo de cette soi-disant créature. Alors forcément, c'est une photo très très floue sur laquelle on peut interpréter à peu près tout ce qu'on veut. Hein. Pour avoir vu les photos, on peut dire que c'est des branches d'arbres comme une bête, comme n'importe quoi. Donc des photos pas très réussies. Cela dit, ce photographe en question est décédé et en fait, on a retrouvé l'appareil photo avec la pellicule. Ça fait très projet Blair Witch, ça fait partie des éléments qui me font un petit peu douter de la véracité de la chose. Ouais. Et alors, une semaine après cette attaque, se déroulent de nouvelles attaques, là cette fois-ci sur des femmes du village qui déclarent en groupe. Alors à chaque fois, évidemment, c'est pas des personnes isolées, là c'est une dizaine de femmes qui disent avoir vu à l'orée de la forêt cette espèce de bestiole manger les moutons, etc., leur pâturage. Effectivement, on retrouve énormément de moutons, etc., sur place. Et puis l'histoire se tasse jusqu'à aujourd'hui, puisque le dernier meurtre a eu en 1900 et quelques, 1907, et depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Attends, moi il me semble que le dernier meurtre a eu lieu dans les années 70. 1970 exactement, c'est ouais. Ça, oui. Voilà. Pas 1907, 1970. Et depuis 1970, donc ces dernières attaques sur des moutons et sur une fermière, eh bien on n'a plus aucun élément, ni plus aucune attaque. En même temps, c'est vrai que les années 70, c'était il y a 36 ans, donc quand on voit le laps de temps qui s'est écoulé entre les autres attaques, qui pouvaient aller jusqu'à plus de 100 ans... Ouais. C'est peut-être pas fini, mais alors, voilà. De trois choses l'une, soit cette histoire a été inventée de toutes pièces dans le but de créer une légende moderne à la Blair Witch, exactement. Par un seul personnage, puisque c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé finalement d'informations qui recoupaient cette histoire. On n'a pas trouvé d'informations qui recoupaient cette histoire. La personne qui délivre cette histoire dit la connaître grâce à un grimoire que lui aurait donné son grand-père. Enfin, une espèce de un vieil homme qui l'aurait rencontré, d'ailleurs, oui, tout simplement, qui lui aurait donné un dossier. Donc effectivement, ça fait mince comme preuve. La municipalité actuelle ne serait pas au courant de cette histoire-là. Parce que s'il y a eu des morts, voilà, il y a au moins quelque chose de vérifiable. Il y a peut-être eu des cadavres effectivement mutilés, étalés sur un siècle. Donc si ça c'est un fait avéré, il y a quand même quelque chose de mystérieux. Exactement. D'où tout l'intérêt qu'on aura, nous, à aller voir sur place, voir aussi, effectivement, est-ce qu'il y a bien eu un tremblement de terre. Ça, c'est facile à vérifier. Bah, si l'église s'est bien effondrée, déjà, ça conforterait un petit peu l'histoire. Et puis, aller voir, effectivement, dans les archives de la ville, ce qui s'est passé, s'il y a des éléments, etc. Parce qu'effectivement, les sources sont plutôt minces. Parce que si l'histoire est réelle, si ces faits sont avérés, on peut imaginer qu'il s'agit d'une sorte de secte avec des rituels meurtriers qui donc mutilerait des gens au fil des décennies et leur graverait des symboles mystiques sur la peau. C'est une des hypothèses qui est avancée. L'autre hypothèse, c'est que l'histoire est une légende, mais ça reste une belle histoire. Ça reste une belle histoire qui rejoint un petit peu ce qu'on retrouve avec la bête du Gévaudan, etc. Ouais. Mais c'est vrai que si on arrive sur place à trouver des preuves déjà qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu bien des signes cabalistiques gravés sur les fronts, etc., on est déjà en face de quelque chose de plus intéressant. Ah oui, sans énorme. Que ça soit un monstre, forcément, puisque ça serait sûrement pas ça. Il y aurait l'hypothèse de la secte, moi j'aime ça, beaucoup. Ça serait pas comme ça dans l'Exo 7. Mais pour avoir plus de sources, il aurait fallu que ça se passe non pas à Aix-en-Provence, mais à Aix-les-Bains. Les sources, les bains, d'accord. Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, voilà. Bien sûr. Merci. Merci Mika, c'est aussi pour ça qu'il fait partie de cette émission. Parce que les gens ont peur quand ils écoutent Exocet. Moi j'ai beaucoup de témoignages, les gens disent « Oh mais moi je tremble littéralement, des gens de ma famille se sont évanouis. » Donc surtout là, Mika, surtout avec la nuit qui revient là. Voilà, donc Mika distille quelques mots d'esprit du meilleur goût. Et hop, ça permet aux gens de tenir le coup et c'est bien. On continue donc avec les histoires surprenantes, avec donc notamment la légende du Kent, qui n'est pas une légende. Alors d'habitude, les légendes urbaines, c'est donc des histoires inventées qui finissent par prendre le poids de vérité. Donc là, c'est l'inverse, c'est une histoire réelle qui a fini par devenir une légende dans l'esprit des gens. Donc ça démarre en 1944, le 20 août 1944 exactement, et donc un bateau américain qui s'appelle le Richard Montgomery et qui transportait des bombes arrive dans l'estuaire de la Tamise. Alors, les munitions que transportait le bateau devaient soutenir l'avance alliée en France après le débarquement, et on le dirige vers un accostage qui est pas assez profond, malheureusement, ce bateau, et il s'échoue sur un banc de vase. Alors, on tente de le délester, mais le 8 septembre, le navire se brise en deux, et le tiers arrière avait déjà été déchargé, mais donc les deux tiers avant ont sombré, et du coup, les deux tiers avant ont entraîné avec eux 13 700 obus dans la Tamise. Voilà. Ça fait du chiffre. Alors, ce qui est très inquiétant... Autant ne pas marcher sous la Tamise, voilà. Sur le sol. Ce qui est très inquiétant et surtout hallucinant, c'est qu'en 2005, ils y étaient toujours. Les obus en question sont toujours dans l'eau, près du port de Sheerness. Et l'épave continue à se fissurer à l'heure actuelle. Alors donc, c'est une sorte de catastrophe écologique, comme une bombe à retardement dans la Tamise, mais qui est trottée sous l'angle de la légende. On n'en parle pas beaucoup de cette affaire-là. Alors, les experts pensent que le TNT qu'il y a dans les soutes est resté intact, mais il est probable donc que les fusées qui ne sont pas étanches se soient détériorées. Et elles pourraient donc mettre le feu aux explosifs, ce qui serait vraiment une catastrophe, puisque donc... Une seule fusée suffirait à faire exploser toutes les autres, et donc le moment de l'explosion est totalement impossible à déterminer. On ne sait pas si ça peut tenir comme ça encore un siècle, ou si ça peut péter demain, on ne sait pas du tout. Alors selon certains calculs, la déflagration de l'ensemble ferait jaillir une gigantesque colonne d'eau, de vases, de débris métalliques et de munitions, de plusieurs centaines de mètres, Et donc ça ruinerait bien évidemment, les retombées pourraient ruiner la ville de Sheerness, puisque donc il y aurait des retombées d'obus, des retombées métalliques, des retombées d'eau sur toute la ville. Bon, ça, à la limite, oui, ça pourrait être une sorte de mini tsunami local. Et donc depuis 60 ans maintenant, plusieurs solutions ont été envisagées, mais aucune n'a été retenue. Alors on a pensé d'abord à remorquer. C'est si compliqué que ça de les sortir. Alors ouais, parce que on a pensé à remorquer l'épave en haute mer déjà pour qu'elle explose dans la mer ou dans l'océan. Elle va tuer des gens. Non, le truc, c'est que si on adoptait cette solution, il faudrait évacuer les 13 000 habitants de Sheerness pour parer à une explosion accidentelle. Parce que si, pendant le remorquement, les obus pètent, ça pourrait vraiment être une catastrophe sans précédent. Les 13 000 habitants plus tous les animaux, parce qu'on n'en parle pas souvent. Tous les animaux. C'est encore plus compliqué. Et tous les poissons de la Tamise qu'il va falloir sortir un par un pour mettre dans des aquariums. Tout à fait. Alors, il faut y penser à tout ça, mec. Dans le Kent, cette histoire s'est muée en légende. Voilà, on en parle comme ça, comme d'un danger légendaire, alors qu'il est bien réel. Et les dégâts d'une explosion de cette magnitude-là, sous le tunnel sous la Manche, elles n'ont pas été imaginées. Donc on ne sait pas du tout ce que ça pourrait faire. Par exemple, si ça se trouve, le tunnel sous la Manche pourrait se retrouver explosé par une déflagration pareille. Donc voilà, c'est vraiment une histoire dont on ne parle pas, qu'on ne connaît pas, mais qui est là, qui est présente et qui pourrait être une catastrophe. Heureusement qu'on n'est pas diffusé dans le nord de la France. Ah oui, non, c'est clair. On ferait peur à tout le monde. C'est clair et net, mais c'est peut-être pour ça aussi. En direct de Dunkerque, par attention. Ah, c'est clair que ça calme, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en parle pas, enfin en tout cas que les autorités anglaises n'en parlent pas beaucoup. C'est jamais qu'à 100 km de Londres. Et ils savent que si jamais ils ébruitaient un petit peu trop la situation, il y aurait une panique totale dans la ville. Les gens flipperaient, les gens peut-être déménageraient, quitteraient la ville. Et donc voilà. Ils font pas ça pour une légende urbaine. Vu qu'on n'en parle pas. On l'a jamais vu. Vu donc qu'on n'en parle jamais, ça finit par devenir une sorte de légende urbaine. On en parle vaguement. Le bateau qui s'est effondré donc dans la Tamise, mais non, il est toujours là avec ses obus. Mais ça m'étonne qu'on puisse rien faire. Vraiment, je suis surpris qu'on puisse rien faire. Le problème, c'est que si jamais on le déplace, il y a risque d'explosion, donc ils ne peuvent pas y toucher. J'ai une super idée. Le mieux, ce serait de tamiser la Tamise. Ah bah oui, bravo. Superbe, magnifique. Et c'est le genre de jeu de mots que tu n'aurais pas pu faire avec le Rhin, par exemple. Non. Quoique si. On aurait pu lui ôter le Rhin. Non, mais c'est... Donc il valait mieux que ça se passe dans la Tamise, finalement. Voilà. J'enchaîne avec une autre histoire courte, très étonnante d'ailleurs, sur la descendance de Hitler. Voilà, parce que donc l'homme le plus haï de toute l'histoire donc n'a pas eu de descendance officielle, il n'a pas eu d'enfant reconnu, mais son père avait eu un enfant d'une autre femme. Et donc il avait un demi-frère. Donc le demi-frère d'Adolf Hitler s'appelait Alois. Donc c'est quand même assez fou, puisqu'on connaît un Alois, hein, qui est donc responsable technique de Rage Arl. La vraie joke. Donc alors voilà, Alois. C'est le demi-frère d'Hitler, Alois. Et donc Alois émigra en Irlande, où il eut donc un fils avec une Irlandaise. Et ce fils s'appelait William Patrick Hitler. Donc c'est genre le patronyme assez difficile à porter. Bah oui, il s'appelle Patrick. Oui, c'est clair. Moi personnellement, j'aurais été à sa place, j'aurais changé de nom, je me serais appelé William Frank Hitler. Quoi. Ouais, voilà. Ah, ça craint un petit peu. Donc il partit en Allemagne, ce William Patrick Hitler, Pat, pour les intimes, on l'appelait Pat. Il partit en Allemagne donc pour bénéficier de l'influence grandissante de son oncle, puisque c'est vrai que Tonton avait quand même une carrière assez florissante au début des années 40. Donc voilà, il part là-bas. Mais le truc, c'est que Hitler et ses intimes tenaient ce jeune neveu à l'écart. C'était comme une sorte de parasite. Il avait beaucoup d'ambition, mais donc évidemment la cour d'Hitler le mettait de côté, sûrement craignant qu'ils prennent leur place dans le cœur du dictateur. Donc voilà. Et du coup, en 1939, Pat Hitler part en Amérique, où il tient des conférences pour discréditer son oncle. Alors il a tellement été aigri de cette affaire-là, d'être mis à l'écart et d'être maltraité par son oncle, qu'il s'est dit, puisque c'est ça, je pars en Amérique et je fais des conférences contre lui. Ah ah, je suis malin. Et quand les États-Unis déclarent la guerre au Troisième Reich, eh bien Pat Hitler s'engage dans la Navy, et puis là on perd sa trace. Donc il s'engage quand même dans la Navy pour aller se battre contre les Allemands. Ah, c'est bien ça. Contre son oncle, finalement. Donc voilà, là on perd sa trace. Et après la guerre, donc David Garner, qui est un journaliste, fait une enquête. Il fait une enquête pour retrouver la trace de ce Pat Hitler, et il retrouve sa veuve qui s'appelle Phyllis Hitler et qui lui confirme donc que son mari était bien le neveu du monstre qu'on connaît. Et donc elle refuse d'en dire davantage, mais donc le journaliste s'obstine et découvre qu'ils avaient eu 4 enfants tous les deux, que Pat Hitler et sa femme avait eu 4 enfants, dont 2 vivent encore à l'heure actuelle dans l'État de New York. Donc il y a encore aujourd'hui des descendants pas directs, mais donc des arrière-petits-neveux d'Hitler qui vivent et bon, bah, qui ont des boulots tout à fait normaux. Il y en a qui est paysagiste, etc. Et qui porte sûrement le patronyme le plus difficile à porter de l'histoire. Ah, ça, c'est clair. Mais donc il existe peut-être encore d'autres parents de Hitler. Alors, dans les années 60, notamment, une Allemande qui s'appelait Gisela Hauser donc, assura être la fille d'Hitler sur la foi d'une confession de sa mère, qui était une ancienne championne olympique très proche du Führer. Et donc, pour être sûr, bien évidemment, il faudrait une analyse génétique, mais tout ce qui subsiste des restes calcinés du dictateur, puisque bon, je rappelle qu'il a été brûlé, tout ce qui reste de ce corps, c'est une mâchoire, la mâchoire inférieure, qui est conservée à Moscou, et ça c'est quand même énormissime. La mâchoire inférieure d'Hitler est conservée à Moscou, au musée de l'ancien KGB, qui s'appelle donc maintenant le FSB. Et c'est vrai que ça fout un petit peu des frissons d'imaginer que quelque part dans un musée en Russie, il y a la mâchoire inférieure, bon, bah, du monstre le plus haïssable et le plus redouté de l'histoire de l'humanité. Donc voilà. Il avait la dent dure. Pour sûr. Toujours dans Exocet sur Rage, on passe aux infos insolites. Donc voilà les informations les plus bizarres qui se sont déroulées à la surface de la planète durant cette semaine. On démarre avec une affaire qui s'est déroulée au Nigeria. C'est un homme qui est suspecté d'avoir tué son frère avec une hache. Et donc il faut savoir que cet homme a donc expliqué à la police que il croyait attaquer une chèvre, ou plutôt un bouc exactement, et que plus tard ce bouc s'est transformé en son frère. Est-ce qu'on a une photo de son frère ? Alors, probablement, mais je ne l'ai pas sur moi. Mais alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Nigeria, donc évidemment, la magie noire est très très populaire. Et donc, il arrive souvent, donc. Oui, vas-y, non, mais termine. Non, mais je me demande juste l'intérêt, pourquoi tuer une chèvre ? Enfin, même si celle c'est. Ah non, mais ça, c'est son mobile, c'est la tasse de boue. Clairement, ce qui s'est passé. Donc, je la refais différemment. Dis pas à Patrick que c'est une chèvre. Pourquoi tuer une chèvre ? Il a tué son frère, voilà ce qui s'est passé. Et donc, quand la police a trouvé le corps, il a dit c'était une chèvre au départ. Et puis après, il s'est transformé en mon frère. Ah, mais s'il rend son frère chèvre, c'est sa faute. Donc c'est vrai que chez nous, ce genre d'alibi passerait moyennement bien auprès des forces de police. Mais là-bas au Nigeria, vu que la magie noire est très populaire, donc il arrive que les meurtriers prétendent que, les personnes qu'ils ont tuées étaient d'abord des bêtes et puis se sont transformées miraculeusement une en fois victimes. Une fois que la hache était dans la chèvre, il se transformait en son frère. Voilà. Et puis il y en a aussi qui prétendent que c'est des mauvais esprits qui les ont poussés à tuer, etc. Enfin bref, voilà. Voilà ce qui se passe dans une société obscurantiste dans laquelle, donc, évidemment, le mysticisme prend le pas sur la science, finalement, et sur la raison. Donc voilà un homme qui a bel et bien tué son frère. Hein. Ça, je vous le confirme. Moi, ça m'étonnerait vraiment que ce fût un bouc. Non, mais voilà. C'est vrai que même tuer une chèvre, c'est pas très intelligent. C'est vrai que ça devait plus être un bouc à la base, parce qu'une chèvre, c'est bizarre. Bah, le bouc, il y a plutôt le côté satanique. Hein. Bah oui. Voilà, donc c'est pour puis, ça. Puis, il ne serait pas trompé, il y aurait eu l'odeur s'il y avait le bouc. Enfin. Tout à fait. Alors, on part en Chine, car figurez-vous que cette semaine en Chine a eu lieu le premier transplant de pénis, chers amis. Alors la France a la... je ne trouve plus le mot. La palme. Non, pas la palme. Tout à fait. Depuis ce jour, je regrette mon don d'organe. Bah venez, on joue à Motus. En 5 lettres, la paternité, oh là là. Ah, mais c'est pas 5 lettres. Non, tu non, triches. Mais j'ai pas réfléchi. Alors... La France, vous le savez, a la paternité de la greffe de visage. Hein. Donc on a assez vu ça à la télé, cette femme qui s'est fait greffer le visage. Et donc là, c'est la Chine maintenant qui a la paternité de la greffe de pénis. Alors c'est donc la première fois au monde. Tout s'est très très bien passé. Hein. Donc voilà, le pénis a pris. Donc évidemment, il a été pris sur un mort. Hein. Donc on n'a pas demandé à une personne vivante de donner son pénis parce que c'est très rare les gens qui sont prêts à se sacrifier à ce point-là. Ah ben non, oui. Parce que non, j'allais me dire... Oh, il y en a qui s'en servent pas beaucoup, hein, j'allais tu dire, sais. J'allais c'est dire, vrai. Même les travestis, en fait, ils le gardent, donc rien à voir ce que j'allais dire. Non, voilà. Ce que j'allais dire, parce qu'on peut trouver quand même certaines personnes qui se font opérer, machin, mais elles se font... Peut-être, mais ne serait-ce que pour faire un porte-clés ou un souvenir. Bref, voilà, là, la personne était bien morte, le donneur était mort. Et donc, du coup, comme je vous le disais, la greffe a parfaitement pris, sauf qu'au bout de 2 semaines, les docteurs ont été obligés de couper le pénis. Pourquoi ? Il grandissait à vue d'œil. Parce que le... Oui, il mesurait 3,50 m de longueur. Et la femme se plaignait. Elle disait « Non, j'ai mal ». En réalité, donc, il se trouve que le greffé a subi de très très sévères troubles psychologiques, c'est-à-dire qu'il ne supportait pas de se retrouver avec le pénis d'un mort. Et c'est vrai que quand on y pense, ça doit être assez délicat. à tel point qu'il a demandé à ce qu'on lui enlève alors que tout marchait très bien. Et il faut dire qu'à la base, il avait même des difficultés pour uriner, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait, c'était même pas une question de vie sexuelle, c'est-à-dire qu'il pouvait même pas pisser. Et là, il a préféré se le faire enlever plutôt que de continuer à vivre avec le pénis d'un autre homme et d'un mort qui plus est. Ouais, ça doit être dur. Ça doit être très dur. Donc voilà, on continue avec, bah, avec un petit peu le Darwin Award de la semaine, c'est-à-dire une mort particulièrement stupide, une mort engendrée par la bêtise humaine, voilà, ni plus ni moins. Donc c'est une femme qui est morte après avoir avalé trop de marshmallows dans un concours de mangeage de marshmallows. Donc ça se passait à Londres dans une foire. Et elle a étouffé, tout simplement. Donc, le concours s'appelle le Chubby Bunny Competition. Pourquoi ? Parce que donc il s'agit de manger le plus de marshmallows possible, de se gaver de marshmallows et de dire Chubby Bunny jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à le dire. Voilà. Donc celui qui n'arrive plus à le dire et qui crache les chamallows perd. Donc elle, apparemment, elle les a gardés, mais elle a gagné. Voilà, elle a gagné, mais donc elle est morte. Alors en fait, elle est tombée dans les pommes. On l'a amenée à l'hôpital. Ils ont réussi à la faire repartir un petit peu, mais finalement, elle n'a pas tenu et elle est morte. Donc, du coup, à présent, eh bien, ce concours pour le moins stupide n'existe plus, c'est fini. Oh. Parce que c'est vrai que ça serait quand même de mauvais goût de le continuer après ça. Donc voilà, en même temps, il y a sûrement des trucs plus intelligents à faire que de se gaver la bouche de marshmallow et de dire Chubby Bunny, n'est-ce pas Thomas ? Ah, c'est bien parce que j'ai deux Thomas en face de moi. Je peux dire n'est-ce pas Thomas à deux personnes à la fois en une seule phrase. Je suis assez heureux. Alors, on continue avec un Chinois, encore une fois. Ça se passe à Pékin. Et donc, le personnage qui nous intéresse s'appelle Zhang Xinyan, il a 35 ans. Et donc, il avait bu Zhang, hein, beaucoup. Trop, manifestement, puisque donc il est allé dans un zoo à Pékin et il est rentré dans un enclos, l'enclos du panda, un panda de 6 ans qui s'appelle Gougou. Il était allé exprès parce qu'il n'avait jamais vu de panda de sa vie. Exactement. Et donc voilà, il a bu pendant le trajet et quand il est arrivé devant l'enclos du panda, il a eu comme une pulsion, une envie de l'embrasser. D'aller lui faire un petit bisou. De le serrer dans ses bras, oui. Le gros nounours. Donc il a enjambé la barrière, il est allé. Faut pas le faire ça les copains. Il s'est approché du panda pour l'embrasser. Enfin, imaginez la scène. Parce qu'un panda, voilà, il faut quand même bien se rappeler que c'est un ours. Ben, c'est clair. C'est exactement ça. Le gars, il avait une espèce de nounours en peluche, mais il a dû lui décocher. Alors le panda, il lui a balancé les dents directement aux jambes. Il a mordu à la jambe. Jambe droite, jambe gauche. Et là, c'est quand même le plus beau dans cette histoire. La réponse. C'est que notre ami Zhang Xinyan, eh bien, il a mordu le panda. Voilà, il a mordu dans le dos. Et après, il a dit que la peau était trop épaisse. Voilà, donc c'est quand même fou. Il parce a dit qu'il avait a... la peau dure. C'est fou ça. Trop dur, ouais. Donc ce qui est surréaliste, c'est qu'il a survécu. Hein, donc maintenant, on sait qu'on peut pas manger le panda, quoi. Voilà. Merci Xang. Il a été sauvé par le personnel du zoo. Alors le panda n'a pas été blessé. Bon, ça aurait été quand même le comble. Et donc voilà, c'est cet homme a expliqué qu'il voulait juste voir les pandas. C'est mignon, il en avait jamais vu. Il était venu exprès aux zoos de Pékin. Là, il a sûrement vu de plus près que quiconque, hein, puisque plus près que ça, tu meurs, je pense. Voilà. Que quiconque. Ah, d'accord. Non, parce que King Kong aurait gagné contre le panda. Alors, un SDF qui habite en Floride n'a pas hésité. Un SDF qui habite en Floride. Il n'a pas hésité à sauter d'un pont. Oui, c'est vrai que ça semble assez antithétique, mais c'est vrai. Oui, oui. Et donc, il n'a pas hésité à sauter d'un pont de 15 mètres de haut. Pour récupérer un billet de $20. Voilà, donc c'est un SDF, je le rappelle. Alors, il s'appelle Mark Giorgio, il a 47 ans, et donc voilà, il se baladait au-dessus de la rivière Manatee. Et puis donc, à un moment donné, il y a un billet comme ça qui s'est envolé, et puis qui est tombé 15 mètres plus bas dans la rivière. Alors le mec, il a fait ni une ni deux, et il a plongé, il a sauté pour $20, et il a déclaré, j'ai récupéré mon pognon. Il a dit ça en américain. Il est sorti de l'eau, il y avait la presse et tout. Au moins, j'ai récupéré mon pognon. Et surtout, pour cette déclaration. Il a rajouté que $20, que quand on n'a rien, c'est beaucoup. Bah oui. Au point de risquer sa vie. Donc il a eu quelques coupures, mais pas de soucis. Il a eu pour $30 de médicaments, mais c'est tout. Voilà. Non, même pas. On peut dire qu'il a eu ses $20 en petite coupure. Oh là là, c'est charmant. Voilà. Ah voilà, c'est la dernière partie d'Exocet. Ouais, je me suis senti de prolonger le jingle de manière buccale. À souligner un excellent jeu de mots auquel nous n'avions pas pensé sur l'histoire du frère qui a tué son frère d'ailleurs. Écoute, du gars qui a tué son frère. Je t'en prie, dis-le. C'est un auditeur, une auditrice même, je pense, qui nous l'a soumis sur le chat, qui nous dit, il avait toujours pris son frère pour le bouc émissaire. Voilà. Alors, on n'y avait pas pensé. Il faudrait quand même pas que cette émission fasse de la concurrence aux grosses têtes, effectivement. Effectivement. Non, mais là, c'est vrai que nous allons très loin. Voilà. Alors, on continue avec les infos insolites de la semaine. Alors, une info vraiment très très étrange, très étonnante, ça se passe au Népal. Et donc, c'est un cas qui donc trouble complètement les médecins qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, c'est une jeune fille qui habite au Népal et qui donc produit ce qui ressemble à des morceaux de verre par le front. Par le fion. Non. Alors donc, elle a été auscultée, étudiée par une équipe de docteurs népalais. Et donc, elle a 12 ans, cette... Non, plutôt beau. D'accord. Non, stop, tu dois sentir la limite. Ça doit faire comme une espèce de gyrophare dans ta tête. Thomas. Je l'ai senti, là. Alors, cette jeune fille, donc vous allez voir, c'est un truc de fou. Elle a 12 ans, elle s'appelle Sarita Bista. Et donc, elle a sécrété, littéralement, ce morceau de verre du côté du front depuis 3 ans, en fait. Donc, les docteurs disent que c'est peut-être, voire sûrement, le premier cas du genre dans l'histoire de la médecine. On n'a jamais vu ça. Alors, donc, ils expliquent qu'il y a eu beaucoup d'exemples, par exemple, d'os qui poussent bizarrement sur le crâne et qui ressemblent à des cornes. Il y a eu des cas, disons, de gens cornus. Mais donc voilà, on a essayé d'y voir des manifestations diabolique, mais c'est simplement une malformation des os du crâne. C'est du verre, c'est un truc de fou. Et donc elle sécrète ces petites pièces de verre sans arrêt. C'est pas rare quoi, depuis 3 ans, il y en a tout le temps. Et donc sa mère explique que un jour elle en a fait une bonne douzaine dans la journée. Et alors au départ c'était comme une sorte de cloque sur le front. Ils ont gratté. Et il y a ce qui ressemble à un petit morceau de verre qui est tombé. Donc voilà, les médecins ne comprennent pas. Et ce qui est intéressant et qui va dans le sens du crédit de cette histoire, c'est que personne n'essaye de récupérer le truc pour partir dans le mysticisme ou dans la magie ou dans quoi que ce soit d'autre. Simplement, les gens s'en tiennent au fait. Il y a cette petite fille qui sécrète du verre par le front et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc c'est vraiment très très étonnant. Oui, c'est clair. Alors en plus, bon, les morceaux de verre, ils peuvent être étudiés puisqu'ils sont là, ils sont tout à fait disponibles. Mais donc, elle peut se couper avec. Alors sûrement, c'est pour ça que c'est dangereux, c'est quand même assez, assez particulier. Donc voilà, c'est un cas très très étrange qui met les médecins dans la confusion la plus totale. On en saura peut-être plus dans les semaines à venir. Si ça se trouve, c'est un canular, mais très très très bien fait. Il y en a déjà eu des canulars du style. Mais là, bon, une petite fille apparemment, puis qui a été étudiée sous toutes les coutures. Et on a, en plus, les docteurs ont vu le verre, donc littéralement exsudé du front. Donc bon, voilà, très très bizarre. Alors, on continue avec une histoire plus légère. Donc c'est un homme, il s'appelle John Houston, un homme de 39 ans qui a été jugé pour avoir volé des ordinateurs. Donc vous allez voir, c'est assez magnifique. Au tribunal, il n'a pas pu s'empêcher de voler des ordinateurs pendant son procès. Donc c'est quand même assez magnifique. En plein milieu du procès, donc, il a profité d'une pause pendant les audiences pour aller piquer des ordinateurs, alors qu'il était donc condamné pour ça. Il a été immédiatement évidemment impliqué et inculpé dans cette affaire de vol, tout de suite. Hein. Il a plaidé coupable, évidemment, et donc ensuite il a expliqué à la sortie de prison qu'il avait volé les ordinateurs en plein tribunal pour des raisons personnelles, parce qu'il avait besoin d'aide, disait-il, et il savait pas comment demander. Alors donc c'était comme une manière d'appeler à l'aide. Mais c'est souvent comme les kleptomanes, mais en général ils volent tout quoi. Bah ouais. Ils volent lui apparemment c'était les ordinateurs son truc. Voilà. Donc en plus, c'est pas le plus pratique à voler. Hein. Bah c'est clair, c'est lourd, c'est gros. Ça dépend si c'est un ordinateur portable. Ça va peut-être dans le sens de son mal, parce que donc c'est un toxicomane qui souffre de maladies mentales aussi. Donc peut-être que le fait de porter des objets lourds qui sont pas faciles à cacher, c'est une manière effectivement de se faire choper. Comme c'est une sûr. Sorte d'appel à l'aide. Enfin, c'est très sûr. C'est très très bête en tout puis cas de sa part. Dans un tribunal, c'est clair que c'est vraiment pour se faire gauler. Quoi. Voilà. Donc il y a c'est un cas drôle en apparence, mais triste au fond, puisque. C'est quand même assez pathétique. Alors ensuite, à Vienne, alors superbe celle-là, c'est ma petite préférée, je pense, de la semaine. Très très jolie. Donc c'est des cambrioleurs qui sont donc tombés dans une cave d'un appartement, dans laquelle ils ont trouvé 8 têtes humaines momifiées, 8 têtes coupées. Donc c'est une scène de film, quoi. Imaginez les mecs débarquer dans la cave de l'appartement, et puis là ils trouvent 8 têtes, et ils se barrent tout de suite, parce qu'ils se disent on doit être dans la cave d'un tueur en série, d'un fou furieux, donc avant qu'ils nous chopent on va se barrer. Donc ils se sont tirés immédiatement, ils n'ont pas demandé leur reste, donc ils n'ont même pas essayé de chercher s'il y avait autre chose. Alors, quelle est l'explication donc de l'histoire ? Eh bien, c'est qu'en fait, cette cave appartenait à un dentiste qui stockait des têtes momifiées et qui était utilisée pour la, eh bien, pour la recherche, tout simplement, en fait, pour s'essayer, j'imagine, à différents outils sur des dents humaines. Mais donc, évidemment, c'est plus pratique sur des têtes de cadavres. Donc voilà, c'est une histoire assez, assez hallucinante. Mais comment on sait que les voleurs y sont allés, en fait ? Eh bien, on le sait parce qu'il y a eu des effractions, parce qu'ils ont été chopés par la suite et qu'ils ont parlé. Donc voilà. Et alors oui, le truc, c'est que par contre, le dentiste risque d'être inquiété parce que ça serait peut-être pas tout à fait légal comme ça de stocker du matériel humain pour faire des expériences ou pour essayer les outils. Donc voilà, finalement, les cambrioleurs ont peut-être moins de soucis à se faire que le dentiste. Parce que c'est quand même assez tendu. On est bien d'accord. Moi, je trouve ça bizarre quand même de garder des têtes humaines dans sa cave. Oui, c'est pas forcément une preuve d'équilibre psychologique. Voilà, c'est sur cette histoire qui, comme je vous le dis, est ma préférée parce qu'on dirait une histoire de film. C'est assez énormissime. C'est donc sur cette histoire que cet Exocet s'achève, chers amis. Thomas, je te dis à la semaine prochaine. Mika aussi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je vous embrasse juste après la suite de nos programmes sur Rage. Bye bye. Exocet. Le bizarre. L'inclassable.